إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد, chers auditeurs, nous en sommes aujourd'hui au dernier chapitre du livre de l'unicité, qui est le chapitre 67, que l'auteur, rahimahullah ta'ala, a intitulé « Chapitre au sujet de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. Ils n'ont pas estimé Allah comme il devrait l'être, alors qu'au jour de la résurrection, il fera de la terre entière une poignée, et les cieux seront pliés dans sa main droite, pureté à lui, il est au-dessus de ce qu'il lui associe. » Et ceci est le verset 67 de la sourate Az-Zumar. L'auteur, rahimahullah ta'ala, a donc mentionné dans ce chapitre quelques hadiths et récits nous expliquant le sens de ce verset, comme on va le voir, incha'Allah ta'ala, à travers leur lecture. Il a donc voulu clôturer son livre par ces textes, qui sont des textes nous démontrant la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que toutes les créatures sont soumises à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci nous prouve qu'Allah est le seul endroit d'être adoré et qu'il a les attributs les plus parfaits. Les textes mentionnés dans ce chapitre vont donc t'aider à prendre conscience de la grandeur de ton Seigneur subhanahu wa ta'ala et qu'il t'incombe de faire preuve d'humilité envers Allah subhanahu wa ta'ala en te soumettant à ses ordres, en délaissant ses interdits, par espoir d'obtenir la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa récompense, et par peur d'encourir sa colère et son châtiment. Et concrétiser cela fait partie de la concrétisation du tawhid. C'est donc pour cette raison que l'auteur, rahimahullah ta'ala, a choisi de clôturer ce livre par ce chapitre. Il a donc mentionné ce verset immense, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit « وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ » Ils n'ont pas estimé Allah comme il devrait l'être. C'est-à-dire, ils n'ont pas vénéré Allah comme il devrait l'être. Et les gens diffèrent grandement à ce sujet. Et ils n'ont pas tous le même jugement. Il se peut qu'une personne commette une chose qui s'oppose à la base du tawhid et qui relève du polythéisme ou de la mécréance majeure. Cette personne sortira alors de la religion de l'islam et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous en préserver. Et il se peut aussi qu'une personne commette une chose qui s'oppose à la perfection du tawhid, à l'exemple des grands péchés, ou des manquements dans certaines obligations, et autres choses semblables dont l'auteur ne sort pas de la religion. Toutefois, ceci indique qu'il n'estime pas Allah comme il devrait l'être, et que son tawhid est déficient. Ce verset a donc une portée générale, et concerne tout ce qui méprise Allah subhanahu wa ta'ala, et ne l'estime pas comme il se doit. À commencer par les polythéistes, qui adorent autre qu'Allah. En faisant du shirk, en donnant des associés à Allah subhanahu wa ta'ala, ils n'ont pas vénéré Allah comme il doit être vénéré. Ils ne l'ont pas estimé comme il devrait l'être, car ils lui ont donné des associés dans l'adoration. Alors que, comme on l'a vu tout au long de l'étude de ce livre, l'adoration est un droit exclusif d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourtant les polythéistes, on a vu qu'ils reconnaissent Allah subhanahu wa ta'ala est le seul créateur, le seul à leur donner leur subsistance, le seul à donner la vie et donner la mort. Mais ils vouent des adorations à des créatures, parmi les morts, les tombes, les mausolées, les pierres, les arbres, et autres parmi les choses qui sont adorées en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. De la même manière, ceux parmi les sectes qui se réclament de l'islam et qui renient les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils n'ont pas estimé Allah subhanahu wa ta'ala comme il devrait l'être. Et ceux qui renient ses attributs totalement ou en partie, ou alors qu'ils les interprètent de façon contraire à leur sens apparent. Tout ceci prouve un manque flagrant de vénération d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'ils ne l'estiment pas à sa juste valeur. De même, Ils n'ont pas estimé Allah subhanahu wa ta'ala comme il devrait l'être, ceux qui lui désobéissent, qui transgressent ses interdits en commettant des péchés ou en délaissant ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a rendu obligatoire parmi les œuvres. Même s'ils font partie des gens de l'islam, même s'ils prient, qu'ils donnent des aumônes, qu'ils jeûnent et ainsi de suite. Le fait de commettre des grands péchés, ou alors de persister sur des petits péchés, ou encore de négliger une obligation, ceci est considéré comme un manque d'estime à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cela indique que cette personne n'a pas vénéré son Seigneur comme il devrait l'être. Donc celui qui délaisse une obligation sans excuse, ou qui commet un péché de son plein gré volontairement, il n'a pas estimé Allah subhanahu wa ta'ala comme il devrait l'être. Car il est attendu de nous que nous fassions preuve de pudeur devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette pudeur doit nous pousser à nous éloigner des interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala et à faire preuve de piété. Et on ne commet de péché que par manque de pudeur devant Allah subhanahu wa ta'ala et par manque d'estime à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc si tu médites sur cela, tu te rends compte de l'importance de ce chapitre et de cette exhortation immense qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a adressée dans ce verset. Car nul parmi nous ne peut prétendre estimer Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit. Chacun d'entre nous a des manquements, chacun d'entre nous a des péchés, et ce à différents degrés. Et il nous incombe de faire des efforts pour nous corriger, et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous aider à réformer nos situations. Allah subhanahu wa ta'ala dit ensuite, afin de nous faire prendre conscience de sa grandeur et de son immensité. وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِ Ils n'ont pas estimé Allah comme il devrait l'être. وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ Alors qu'au jour de la résurrection, il fera de la terre entière une poignée, et les cieux seront pliés dans sa main droite. Allah subhanahu wa ta'ala, il est al-azim, l'immense. Il n'y a pas plus immense que lui. Il est capable de toutes choses. Il possède toutes choses. Et tout est sous son ordre et son commandement. Toutes les créatures, aussi grandes soient-elles à nos yeux, elles sont petites par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala. Il fera de toute la terre une poignée. Et on va voir plus de détails à ce sujet dans les hadiths que l'auteur rahimahullah ta'ala a cités. Donc le fait de te rappeler de la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi que de son immensité, cela doit te pousser à faire preuve de pudeur et d'humilité devant lui, et à délaisser les péchés, aussi minimes soient-ils, car, comme il a été dit, ce n'est pas la gravité du péché que tu dois considérer, mais c'est la grandeur de celui à qui tu désobéis. Il y a certaines personnes, parfois, lorsqu'ils commettent un péché, disent « Oui, mais c'est un petit péché, ce n'est pas si grave. » Ne regarde pas la grandeur ou la gravité de ce péché, mais considère plutôt la grandeur de celui à qui tu as désobéi. Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur de l'univers. Il t'a interdit une chose et tu l'as commise. Il t'incombe donc de te repentir. Et nul parmi nous n'est à l'abri des péchés. Tous les enfants d'Adam font des péchés. Mais les meilleurs d'entre eux, c'est qui? C'est ceux qui se repentent de leurs péchés. Donc les péchés, tu vas en commettre et ceci est inévitable. Toutefois, tu dois te remettre en question. Et tu ne dois pas persister sur les péchés. L'essentiel est que lorsqu'il t'arrive de faiblir et de faire un faux pas, tu me prennes conscience qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'observe, qu'Allah subhanahu wa ta'ala te demandera des comptes quant à ce péché que tu as commis, et t'empresser de te repentir et d'implorer son pardon subhanahu wa ta'ala afin qu'il efface ce péché. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala a terminé ce verset en nous informant qu'il est au-dessus du shirk des polythéistes, au-dessus de leurs associés, et au-dessus du mépris des ignorants, il a dit « Subhanahu wa ta'ala amma yushrikoun » Pureté à lui, il est au-dessus de ce qu'il lui associe. Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de l'ensemble des fausses divinités qui sont adorées en dehors de lui. Et ces fausses divinités, elles sont en sa possession. C'est lui qui les a créées, subhanahu wa ta'ala. Donc comme un maître au même rang et au même niveau, les créatures et leurs créateurs. Après cela, l'auteur, rahimahullah ta'ala, a commencé à citer quelques hadiths en explication de ce verset, il a dit. D'après Ibn Mas'ud, radiyallahu ta'ala anhu, un savant juif vint au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et lui dit, « Ô Muhammad, C'est ainsi que, généralement, les Juifs s'adressaient au prophète sallallahu alayhi wa sallam par son prénom, ou alors par sa kunya, Abul Qasim, car il ne reconnaissait pas sa prophétie. Il lui a donc dit, ô Mohammed, nous trouvons, c'est-à-dire dans la Torah, qu'Allah mettra les cieux sur un doigt, les terres sur un doigt, les arbres sur un doigt, l'eau sur un doigt, la terre sur un doigt, et le reste des créatures sur un doigt. Puis il dira, je suis le roi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a alors ri au point que ses dents apparaissent, approuvant ainsi la parole de ce savant. Puis il récita ce verset que l'auteur rahimahullah ta'ala a cité: Wama qadarullah haqqa qadri. Ils n'ont pas estimé Allah comme il devrait l'être. Wal ardu jami'an qabdatuhu yawm al-qiyamati was-samawati matwiyatun bi-yaminihi. Alors qu'au jour de la résurrection, il fera de la terre entière une poignée et les cieux seront pliés dans sa main droite. Et ce hadith est rapporté par les imams al-Bukhari et Muslim, rahimahumallahu ta'ala. Et dans une narration rapportée par Muslim, il est mentionné, et les montagnes et les arbres sur un doigt, puis il les secouera et dira, je suis le roi, je suis Allah. Et dans une autre narration rapportée par al-Bukhari, rahimahumallahu ta'ala, il mettra les cieux sur un doigt, l'eau et la terre sur un doigt, et le reste des créatures sur un doigt. Et Muslim, rahimahullah ta'ala, rapporte, d'après Abdullah ibn Umar, radiyallahu ta'ala anhuma, la parole suivante remontant au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Allah pliera les cieux au jour de la résurrection, puis les prendra dans sa main et dira, je suis le roi. Où sont les tyrans? Où sont les orgueilleux? Il pliera ensuite les sept terres, puis les prendra dans sa main gauche et dira, je suis le roi, où sont les tyrans, où sont les orgueilleux? Et on rapporte d'Ibn Abbas, radiyallahu ta'ala anhuma, qu'il aurait dit, les sept cieux et les sept terres ne sont dans la main du tout miséricordieux que comme un grain de moutarde dans la main de l'un d'entre vous. On voit donc à travers ces hadiths que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a confirmé ce que le savant juif avait lu dans la Torah. Et il a récité ce verset du Coran qui vient le confirmer. On tire donc de ce verset et de ces hadiths plusieurs bénéfices. Premièrement, on voit à travers cela l'immensité d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa grandeur, et que ses créatures sont très petites par rapport à lui. Et ceci était clairement démontré dans ce qu'il restait de la Torah au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ce n'était pas renié par les juifs. Malgré cela, ils ne l'ont pas estimé comme il devrait l'être et lui ont donné des associés. Le deuxième bénéfice que l'on tire de ces textes, c'est l'affirmation de plusieurs attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il est obligatoire pour nous d'affirmer tels qu'ils sont mentionnés dans les textes, comme les deux mains, les doigts, la main droite et la main gauche. Nous affirmons donc que ce sont des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala et nous y croyons avec certitude. Et nous les affirmons d'une manière qui convient à sa grandeur et à sa majesté, sans négation, sans altération, sans assimilation, sans les assimiler aux attributs des créatures, et sans se poser de questions sur le comment, comme on l'a vu dans des cours précédents, lorsqu'on a cité ce verset de Sourate Shura, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Laysa kamithlihi shay, wa huwa as-sami'ul basir ». Rien n'est semblable à lui, et il est celui qui entend et qui voit tout. Il t'incombe donc de croire en ces attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci fait partie du tawhid al-asma wa sifat, qui consiste à croire et à affirmer les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala qui sont confirmés dans le Coran et dans la sunna authentique du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et tu n'interroges pas sur le comment. Vous connaissez certainement ce récit rapporté de l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, alors qu'il était dans une assise et qu'un homme est venu l'interroger et lui a dit « Ar-Rahman, ala l'arsh istawa, kayfa istawa? » Le tout miséricordieux s'est élevé au-dessus du trône. Comment s'est-il élevé? Il est rapporté que l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, fut pris de colère au point de devenir rouge et ses yeux rougirent. Il leva alors la tête et dit, Al-Istiwa, son sens est connu. Son comment est ignoré. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a pas informés à ce sujet. Y croire est une obligation et interroger à ce sujet est une innovation. Il a ensuite ordonné de faire sortir cet homme de la mosquée et l'a qualifié comme étant un homme mauvais. Tel était le comportement de nos pieux prédécesseurs, rahimahumullah ta'ala, lorsque des gens prononçaient des paroles contraires à ce qui est légiféré. Et pourquoi a-t-il qualifié le fait d'interroger à ce sujet comme étant une innovation? La réponse est que les compagnons, radiyallahu ta'ala anhum, qui étaient présents aux côtés du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsque le Coran était révélé, ils n'ont pas questionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce sujet. Les gens de science ont dit que tout ce sur quoi les compagnons radiyallahu ta'ala anhum n'ont pas interrogé, interroger à ce sujet n'est pas légiféré. Car ils comprenaient le sens de ces versets et les affirmaient selon leur sens apparent, sans les interpréter de manière erronée, sans les renier, sans les altérer, et sans s'interroger sur le comment. Le troisième bénéfice que l'on tire de ces hadiths, c'est la preuve que la royauté des rois de ce bas monde, c'est une royauté éphémère. Elle n'est que temporaire. Aussi puissant soit-il, leur royauté est vouée à disparaître. Et la royauté absolue appartient à Allah subhanahu wa ta'ala seul, sans associé. Et personne ne peut disputer à Allah subhanahu wa ta'ala la royauté des cieux et de la terre. Ici-bas, dans ce bas monde, il donne la royauté à qui il veut, et la retire à qui il veut, et ce en guise d'épreuve et de tentation. Mais au jour de la résurrection, il apparaîtra clairement aux orgueilleux et aux tyrans de ce bas monde que la royauté absolue appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Comme il le dit au verset 16 de Surat Ghafir, Limanil mulkul yawm. À qui appartient la royauté aujourd'hui, c'est-à-dire la royauté absolue? Lillahil wahidil qahhar. À Allah l'unique, le dominateur. Ensuite, le Cheikh rahimahullah ta'ala a dit, Ibn Jarir a dit, Younous m'a rapporté, Ibn Wahb nous a rapporté, Ibn Zayd a dit, mon père m'a rapporté et a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, les sept cieux par rapport au Kursi sont comme sept pièces d'argent que l'on jette sur une vaste étendue de terre, ou alors sur un bouclier. Il dit, Abu Dharr, radiyallahu ta'ala anhu, a dit, j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dire, le Kursi n'est par rapport au trône que comme un anneau de fer que l'on jette au milieu d'une vaste terre désertique. Médite ici sur la grandeur des sept cieux et sur leur étendue. Regarde ce ciel que tu ne peux même pas voir entièrement de tes yeux. Juste le ciel le plus proche. Il nous parle ici des sept cieux. Malgré cela, il y a une créature plus grande que les cieux. Et c'est le Kursi, qui est bien plus grand et bien plus immense que les sept cieux. Et en plus de cela, médite sur le fait que ce Kursi, ce n'est pas la plus grande des créatures. Car il y a une créature plus grande, une créature plus immense, et c'est le trône du tout miséricordieux subhanahu wa ta'ala. Donc, lorsque tu médites sur la grandeur de ces créatures, ceci te fait prendre conscience de la grandeur et de l'immensité d'Allah subhanahu wa ta'ala qui les a créés et qui est élevé au-dessus de son trône. Et on voit ici que le Kursi, il est différent du trône, al-arsh en arabe. C'est donc une erreur d'appeler ayat al-Kursi le verset du trône, car le Kursi est différent du trône. Et les gens de science ont expliqué que le Kursi, il désigne l'emplacement des pieds, comme cela est venu dans un récit rapporté d'Abdullah ibn Abbas, radiyallahu ta'ala anhuma. C'est pour cela que l'on traduit le Kursi par le repose-pied. Et il y a aussi en cela la preuve que le Kursi et le trône sont des créatures. Et ceci est une réfutation de ceux qui ont interprété le Kursi comme étant la royauté ou comme étant la science. Et ceci fait partie des interprétations erronées contraire au sens apparent des textes du Coran et de la Sunna. Le trône et le Kursi, ce sont donc deux créatures qui sont des créatures immenses, et le trône est plus immense que le Kursi, et le Kursi est plus grand que les cieux, et tout ceci nous démontre l'immensité d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est le créateur de ces créatures immenses. Ensuite, le Cheikh rahimahullah ta'ala a dit, Ibn Mas'ud, radiyallahu ta'ala anhu, a dit, entre le ciel le plus proche, c'est-à-dire le ciel le plus proche de la terre, Entre le ciel le plus proche et le suivant, il y a une distance de 500 ans. Entre chaque ciel, il y a une distance de 500 ans. Entre le septième ciel et le Kursi, il y a une distance de 500 ans. Entre le Kursi et l'eau, il y a une distance de 500 ans. Le trône est au-dessus de l'eau. Allah est au-dessus du trône et aucune de vos œuvres ne lui échappe. Puis le cheikh, rahimahullah ta'ala, a mentionné un dernier hadith et il a dit Al-Abbas ibn Abd al-Muttalib, radiyallahu ta'ala anhu, a dit Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit Savez-vous quelle est la distance qui sépare le ciel et la terre? Nous avons dit Allah et son messager savent mieux. Comme on l'a vu à plusieurs reprises, les compagnons, radiyallahu ta'ala anhum, lorsqu'ils ne connaissaient pas la réponse à une question, ils ne s'imposaient pas d'y répondre, mais ils renvoyaient la science à celui qui la détient. En l'occurrence, Allah subhanahu wa ta'ala et, de son vivant, son messager sallallahu alayhi wa sallam. Il dit donc, il y a entre eux une distance de 500 ans. Et entre chaque ciel et le suivant, il y a une distance de 500 ans. L'épaisseur de chaque ciel est d'une distance de 500 ans. Entre le septième ciel et le trône, il y a une mer. Et entre son fond et sa surface, il y a la même distance qu'entre le ciel et la terre, c'est-à-dire une distance de 500 ans. Allah est au-dessus de tout cela, et aucune œuvre ne lui échappe parmi les œuvres des enfants d'Adam, rapportées par Abu Daoud et autres que lui. Méditez donc ici sur la taille de ces créatures immenses, les sept cieux, les sept terres, le Kursi et le trône, ainsi que les distances immenses qui les séparent. Tout ceci encore nous prouve l'immensité d'Allah subhanahu wa ta'ala qui les a créés et nous démontre très clairement qu'il est le seul endroit d'être adoré. Qu'ont-ils créé ceux qui sont adorés en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala? Les morts que les gens invoquent auprès de leur tombe ou de leur mausolée, est-ce qu'ils ont créé quelque chose dans cet univers? Les djinns, les anges, les prophètes, ont-ils créé quelque chose de cet univers? Les idoles adorées en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala parmi les pierres, les arbres, les animaux ou autres? Ont-ils créé quelque chose dans cet univers? Ne serait-ce qu'une mouche, comme on l'a vu dans un cours précédent. Ils n'ont rien créé. Mais c'est Allah subhanahu wa ta'ala, le seul créateur, qui a créé tout cela à partir du néant. Il a créé ces créatures immenses, en parfaite harmonie. Tout ceci nous montre sa grandeur, son immensité, et qu'il est le seul endroit d'être adoré subhanahu wa ta'ala. Et on voit à travers cela également qu'Allah est élevé au-dessus de ses créatures. Il est élevé au-dessus de son trône, comme cela est venu dans de multiples versets dans le Coran. Thumma stawa ala al-arsh, ar-Rahman ala al-arsh istawa. Il s'est ensuite élevé au-dessus de son trône. Le tout miséricordieux s'est élevé au-dessus du trône. Nous devons donc croire en cela et l'affirmer comme cela est venu dans les textes. Allah subhanahu wa ta'ala est élevé au-dessus de son trône d'une manière qui sied à sa majesté. Et rien ne lui échappe parmi nos œuvres. Il sait parfaitement toutes choses. Il voit tout, il entend tout et il sait tout, subhanahu wa ta'ala. Même ce que renferment nos poitrines, ce que tu penses et que tu ne prononces pas, Allah subhanahu wa ta'ala le sait. Donc si tu as conscience de cela, ceci va t'aider à estimer Allah subhanahu wa ta'ala et le vénérer comme il se doit, en lui vouant un culte exclusif dans l'adoration, en te soumettant à ses ordres, en délaissant ses interdits. Lorsque ton âme va être tenté à commettre un péché, tu vas te rappeler qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'observe, qu'Allah subhanahu wa ta'ala te voit, qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'entend, qu'Allah subhanahu wa ta'ala sait à quoi tu penses, il sait quelles sont tes intentions. Donc, si tu penses à tout cela au moment de commettre le péché, ceci doit te suffire pour faire marche arrière, pour ne pas commettre ce péché, et pour implorer le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et si malgré tout tu as des manquements, et que tu commets un péché, alors il t'incombe de te repentir à Allah subhanahu wa ta'ala et d'implorer son pardon, et ceci fait partie de la concrétisation du tawhid. On a donc terminé ce chapitre, et ainsi terminé la lecture et l'étude de ce livre par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci est un grand bienfait qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordé, et pour lequel nous nous devons de faire preuve de reconnaissance envers lui. Toutefois, ceci ne veut pas dire que maintenant que l'on a étudié ce livre, on maîtrise le tawhid et que nous n'avons plus besoin de l'étudier. Au contraire, Nous avons besoin de lire encore et encore ce livre, ainsi que d'autres livres sur le tawhid. L'auteur lui-même, il ne cessait d'enseigner ce livre à ses élèves. Et nombreux parmi nos savants le lisaient à plusieurs reprises, lisaient ses commentaires et l'enseignaient sans cesse à leurs étudiants. Tu ne dois donc pas te lasser de l'étude du tawhid, car tu verras qu'à chaque fois que tu lis ce livre, ou que tu l'étudies, ou que tu écoutes ou lis un de ses commentaires, tu apprendras toujours des choses qui t'avaient échappé. Ou alors, tu vas te remémorer une chose que tu avais oubliée. Et comme vous l'avez vu, l'auteur, rahimahullah ta'ala, dans ce livre, n'a fait que citer des paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala, des paroles de son messager sallallahu alayhi wa sallam, des paroles des pieux prédécesseurs, rahimahumullah ta'ala, et des paroles des savants de la communauté. Il est donc nécessaire pour nous de donner à ce livre l'importance qu'il mérite, de ne pas négliger son étude ainsi que sa révision, tout comme étudier le tawhid à travers d'autres ouvrages connus et reconnus par les savants de la Sunna, ainsi que l'ensemble des livres dans lesquels sont exposées la croyance authentique des gens de la Sunna. Je m'enjoins donc, ainsi qu'à vous, de ne pas négliger l'apprentissage de cette science et de ne jamais la penser comme acquise. Celui qui croit qu'il a tout compris au sujet du tawhid et au sujet de la croyance, ceci est une preuve qu'il n'a pas compris le tawhid et qu'il a encore besoin de l'étudier, qu'il n'a pas compris sa réalité. Car celui qui est conscient de l'immensité du droit d'Allah subhanahu wa ta'ala sur nous, il saura que concrétiser cela demande de nombreux efforts. Et ce n'est pas simplement en lisant un livre, en écoutant quelques cours, que l'on va arriver à cet objectif. Mais ceci demande de nous des efforts au quotidien. Et notamment en faisant des efforts pour mettre en pratique ce que l'on a étudié dans ce livre. Ceci ne doit pas rester pour nous de simples connaissances, de simples informations desquelles on a pris connaissance, que l'on a lu, étudié et compris, puis ensuite on ne les met pas en pratique. Si tu fais cela, alors toutes ces choses seront une preuve contre toi au jour de la résurrection. Car la science profitable, c'est la science qui est mise en pratique. Chacun d'entre nous doit donc faire des efforts pour mettre en pratique cela dans notre quotidien. Faire des efforts pour vouer un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala. Purifier nos intentions, nous soumettre à ses ordres, délaisser ses interdits, faire des efforts pour concrétiser le tawhid. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous assister. Ceci était donc une courte recommandation que je souhaitais m'adresser à moi-même ainsi qu'à mes frères et sœurs parmi les auditeurs. Ce qui était juste provient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les erreurs et les manquements proviennent de moi et du diable. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de me pardonner. Wa sallallahu wa sallama wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin wa jazakumullahu khayra.